Que fais-tu dans la rue? Mes fils et mon mari sont partis un matin, aucun n'est revenu. Pourquoi cette pluie? Pourquoi cette eau, ces nuages qui nous étonnent? Elle dit cette pluie, tu vois, ce sont des pleurs pour les yeux des hommes. C'est pour vous donner des larmes, depuis trop longtemps elles ont séché. Les hommes n'oublient pas les armes quand ils ne savent plus pleurer. Coule pluie, coule sur nos fronts. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'attentat de Karachi en mai 2002 avec notre invité, le journaliste de Mediapart, Fabrice Arfi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur avec Fabrice Lhomme du livre intitulé Le Contrat et plus récemment, vous êtes revenu sur cette affaire dans votre dernier ouvrage, Le Sens des Affaires, paru en 2014 chez Kalman Lévy. Vous êtes également l'auteur d'un documentaire sur cette affaire intitulé L'Argent, le Sang et la Démocratie. Ça, c'était en 2013. Bon, alors, si pour l'instant, et on le répète, d'où les nombreux conditionnels qui ont émaillé légitimement ce texte, le récit. Pour l'instant, rien n'est prouvé d'un point de vue judiciaire. On a l'impression, et c'est plus qu'une impression quand même, que tout relie l'attentat du 8 mai 2002 à Karachi à un dossier antérieur, celui de la vente des sous-marins au Pakistan, hein, le fameux contrat Agusta. L'implication des services secrets pakistanais, alors, pour le coup, semble être quand même une chose entendue. Au moins, s'il y a une chose à peu près certaine, c'est celle-là. Oui, et en réalité, l'histoire de Karachi dans son volet terrorisme, comme vous l'avez dit, il y a deux volets. Ça a d'abord été le récit d'une déconstruction. Il a fallu déconstruire une vérité officielle. La vérité officielle étant, et sur laquelle s'était accordée la France officielle et le Pakistan officiel, c'est Al-Qaïda, forcément Al-Qaïda. Ce qu'on peut comprendre... Alors des charges. Hein. Oui et non, je vais expliquer pourquoi. Enfin, au départ, le contexte géopolitique. Oui, bien sûr, on est un an après le 11 septembre. Il y a les engagements militaires en Afghanistan. En effet, il y a une menace terroriste et Al-Qaïda est leader sur le marché. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Cela étant, la DGSE, dès le lendemain de l'attentat, puis dans les jours qui ont suivi, ont émis des notes qui ont mis au jour une possible piste financière, nous dit la DGSE dès le lendemain de l'attentat, puis, au fil des mois, dit qu'il ne s'agit pas d'Al-Qaïda, que cela ne ressemble en rien, et que l'enquête pakistanaise qui a visé à désigner des militants d'Al-Qaïda derrière cet attentat est une forgerie. Le mot est même, je crois, utilisé dans une des notes de l'agence de renseignement. C'est quoi, c'est une vraie fausse enquête ? Ah mais non, mais c'est un cas d'école de construction policière fictive, fausse, pour accuser des gens qui étaient des vrais terroristes, mais on a rajouté une ligne sur leur CV d'avoir commis un attentat qu'ils n'avaient pas commis. Je vous donne juste un exemple pour les accuser. On avait dit qu'on avait trouvé chez eux du nitrate d'ammonium qui était la substance qui a permis de préparer la bombe qui a tué dans l'attentat de Karachi. Or, il est établi au dossier que ce qui a fait exploser le 4x4 et le bus, c'est de la TNT et pas de n'importe laquelle, c'est de la dynamite militaire pakistanaise. Donc c'est pas la première donc, aujourd'hui, il est acquis que les services pakistanais et sa branche liée à l'islamisme radical, puisque dire islamiste au Pakistan, ça veut tout et rien dire. Il y a au sein même de cette redoutable agence pakistanaise, l'ISI, la CIA pakistanaise, il y a des fondamentalistes, il y a des gens qui soutiennent le terrorisme islamiste pour des raisons internes, la guerre avec le Cachemire et l'Inde. Et donc, on est face à un Frankenstein, un monstre en réalité qui mêle à la fois des agents du terrorisme international et des agents de l'État pakistanais. Et pourquoi le juge Bruguière, pourquoi la justice au départ, avant les révélations, bah, les vôtres d'ailleurs, s'enferme-t-il, pourquoi le juge Bruguière s'enferme-t-il dans cette piste Al-Qaïda? C'est parce que pour lui c'est tellement logique, ou parce qu'on lui cache des choses, ou parce qu'il veut pas aller plus loin? Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'est pas allé plus loin. Moi je suis pas arbitre des élégances, mais mon travail m'a mené, et avec d'autres, à être extrêmement sévère sur la conduite de l'enquête par le juge Bruguière, qui a fait en sorte et qui a déployé beaucoup d'énergie à ne rien découvrir, alors qu'il avait dans son dossier des éléments qui auraient dû piquer sa curiosité sur une autre piste que la piste islamiste. Il y avait notamment un rapport qui avait été rendu par un agent spécial américain, Randall Bennett, qui était présent au moment du drame, dont l'un des collaborateurs dit que c'est les services pakistanais qui sont impliqués dans l'attentat de Karachi. Rendez-vous compte que le document dont vous avez parlé, le rapport Nautilus, est un rapport de la DCN, qui est dans les archives de la DCN, entreprise d'État, qui n'a pas cru bon le communiquer à la justice, mais dont un certain nombre de gens, si nous l'avons découvert, c'est que d'autres dans l'appareil d'État étaient au courant. Et nous avons découvert depuis que d'autres collaborateurs des services de renseignement, des honorables correspondants, voire même des gens des services des renseignements, avaient émis strictement les mêmes hypothèses quant à éliminer l'implication d'Al-Qaïda dans ce dossier. Alors, je résume. On tue des gens d'une entreprise française présente au Pakistan, la DCN, parce que des commissions qui devaient être versées, comme ça se fait habituellement, ça justifie pas, mais enfin ça se fait comme ça habituellement, n'auraient pas été versées, parce que le pouvoir qui est arrivé ensuite, celui de Jacques Chirac, aurait coupé les robinets. Ça, c'est l'hypothèse retenue également ou pas? Ça, c'est l'hypothèse qu'en son temps, le juge Trévidic avait dit cruellement logique après avoir abandonné officiellement et levé un mandat d'arrêt, d'ailleurs, contre un cadre d'Al-Qaïda qui avait été impliqué par le juge Bruguière. C'est à ce jour, en termes de mobile, une hypothèse qui n'est pas vérifiée judiciairement. Ouais. Cela étant, le rapport Nautilus et le mémorandum de l'ancien directeur financier de la DCN, Gérard-Philippe Ménayas, ont ouvert la piste de la corruption, qui ont permis de comprendre qu'en écartant la piste Al-Qaïda, on aurait dû se replonger dans ce qu'a été les contrats d'armement à l'époque où M. Balladur était le Premier ministre. Et c'est un peu comme les poupées russes, comme des poupées gigognes qu'on ouvre les unes après les autres. Et là, en s'intéressant à cela, on découvre une fantastique histoire de corruption franco-française qui aujourd'hui vaut à au moins 6 personnes d'avoir peut-être dans quelques mois, probablement quelques années pour des raisons de procédure, à être jugées devant le tribunal correctionnel qui sont mises en examen, parmi lesquelles la doublure du Premier ministre de l'époque, vous l'avez cité, Nicolas Bazire, qui était son directeur de cabinet, la doublure de François Léotard, qui était ministre de la Défense, je parle de M. Donnedieu de Vabre, qui était son conseiller spécial, la doublure de Nicolas Sarkozy, qui était ministre du Budget et qui est soupçonné d'avoir porté les valises du réseau de M. Takieddine, M. Thierry Gobert, et également le réseau des intermédiaires, dont le fameux monsieur Takieddine. Et le chef de Ziya Takieddine, dans cette grande corruption, c'est-à-dire on touche des commissions pour en reverser à des gens et surtout peut-être à celui-là même qui vous les a donnés, à savoir l'État corrompu est un État corrupteur. Ouais. Le chef de ce réseau-là s'appelait Ali Ben Moussalam, c'est un Saoudien. Monsieur Takieddine était à l'époque un exécutant, il prendra de l'ampleur après. Monsieur Moussalam, qui est mort en 2004, était à la fois le grand argentier de cette corruption liée aux Balladuriens, mais aussi, et là c'est intéressant pour notre dossier, un financier d'Al-Qaïda. Ah. C'est ce qu'a établi, noir sur blanc, la CIA et le département du Trésor américain, comme nous l'avons raconté, comme d'autres journalistes, je pense à Sylvain Besson du Temps, l'avait raconté d'ailleurs bien avant Mediapart. Donc, on voit une intrication entre la politique, la corruption, le terrorisme international, et devinez quoi, dans les archives des services de renseignement français, la DST aujourd'hui, la DCRI, l'enquête sur M. Moussalem a disparu. Tiens donc. Alors, dans la série À qui profite le crime, on arrive au deuxième volet. Alors, celui-là, avec des conditionnels plus forts que tout, parce que vraiment, faut être conditionnel. Est-ce que certains une partie de cet argent en rétrocommission aurait financé la campagne d'Edouard Balladur en 95. Alors ça, c'est, ça reste à prouver. Alors, moi, je suis moins dans le conditionnel, mais il vous honore. Mais en fait, on n'a jamais vu ça dans l'histoire des marchés d'armement par rapport à ce qui s'est passé sous le mandat d'Edouard Balladur. C'est-à-dire que un an avant la campagne présidentielle, il y a une frénésie de signatures de contrats d'armement de manière accélérée et dérogatoire au regard des canons en la matière. Et sur ces contrats d'armement, il y a le contrat pakistanais dont on parle, mais il faut lui adjoindre trois autres contrats avec l'Arabie Saoudite dans lesquels on voit toujours le même réseau se greffer sur les négociations, ce qui est du jamais vu. Au dernier moment, un réseau mené par le fameux Moussalem avec Monsieur Taqidine se greffe pour toucher des commissions absolument faramineuses. On parle de centaines de millions d'euros quand même. Prendre l'argent au dernier moment et on trouve cet argent partir dans des paradis fiscaux et revenir en France. On a retrouvé ça. Aujourd'hui, M. Taguédine lui-même, dans le bureau du juge Van Drunbeek, a reconnu, après de très nombreuses investigations journalistiques, policières et judiciaires, qu'il a remis cet argent, les valises, les bonnes vieilles valoches, aux amis de M. Balladur et de Nicolas Sarkozy. Et il y a évidemment une responsabilité de l'État français et des ministres de l'époque dans ce schéma corruptif. Alors, schéma corruptif confirmé, figurez-vous, par l'ancien ministre de la Défense, Charles Millon, qui avait été interviewé sur ce point précis. Voilà ce qu'il répondait. C'est vrai qu'il y avait un certain nombre de bruits qui circulaient en France, comme quoi des contrats donnaient lieu, non pas à des commissions, mais à des rétrocommissions. Ce qui est complètement anormal, c'est la rétrocommission. C'est-à-dire qu'il y a une partie de cette commission qui soit rétrocédée à celui qui vend pour pouvoir financer des activités qui peuvent être diverses. Et qu'à partir de ce moment-là, il y a détournement. Et c'est ce que Jacques Chirac voulait complètement supprimer. Et alors, Charles Millon ou Alain Richard, tiens aussi, ancien ministre de la Défense dans le gouvernement Lionel Jospin, ils ont découvert l'existence des commissions. Vous les avez rencontrés tous les deux, crois. Comment explique-t-il, comment se justifie-t-il de ne pas avoir alerté la justice plus tôt? C'est terrible. Par exemple, le ministre de la Défense, Alain Richard, socialiste, savait tout, à peu près, de ce qu'étaient les montages occultes, des commissions et des rétrocommissions. Nous avons même publié sur Mediapart les rapports de Matignon et des services de renseignement à l'époque où il les lisait. Et il a dit oui, nous savions tout ça, mais je n'ai pas saisi la justice parce que je ne voulais pas qu'on considère que la gauche lance des boules puantes contre la droite. Voilà ce que ça dit d'une forme d'impensée dans une partie de la classe politique. Ouais. C'est que la justice ne viendrait pas servir un bien commun qui dépasse de très loin les lignes partisanes. L'argent de la corruption, c'est un argent dont les gens de gauche comme de droite et d'ailleurs sont victimes. Nous sommes tous, quelles que soient nos sensibilités politiques, victimes de la corruption, mais des victimes invisibles. Eh bien, non. Alors que le code de procédure pénale impose à toute personne détenteur de l'autorité publique, c'est son article 40, de saisir la justice quand vous êtes témoin de faits qui sont susceptibles de relever du délit, de saisir le procureur de la République. Cela n'a pas été fait parce que ça n'était pas considéré comme quelque chose d'important. Quant à Charles Millon, ce qu'il dit est vrai, c'est-à-dire que les Chiraciens ont découvert, grâce à ces mêmes services de renseignement, grâce à ces mêmes officines d'État et à certains documents qui ont survécu au mouvement politique, qu'il y avait eu cette corruption sous le mandat de Monsieur Balladur, et ils ont fait quelque chose d'absolument rarissime, voire à ma connaissance jamais vu dans l'histoire des contrats d'armement. Ils ont stoppé le robinet des commissions parce qu'on donne pas tout d'un coup en termes de commissions. On verse une première fois, et puis après ça se verse pendant des années et des années, voire des décennies, les versements de commissions. Donc c'est un robinet qu'ils ont coupé pour se venger des Balladuriens. Rappelez-vous l'affaire, le drame exactement, quasiment de Grèce antique entre les Chiraciens et l'ami de 30 ans, les Balladuriens. Celui qui a le plus perdu dans l'interruption de versement des commissions, nous revenons sur lui, c'est le cheikh Ali bin Moussalem, le Saoudien qui était l'homme de la corruption sous Balladur, qui est aussi celui qui était un des financiers d'Al-Qaïda. Je trouve que c'est une piste intéressante et c'est une piste que le juge Trévidic, avant de quitter le pôle antiterroriste de Paris, c'est la piste principale sur laquelle il travaillait. C'est comme ça qu'on a découvert qu'au sein des services secrets français, en tout cas des services secrets intérieurs, le dossier de M. Moussalem a disparu. Ce qui est quand même extrêmement comment dire, coquet, oui, baroque, extravagant. Absolument. Alors, Nicolas Sarkozy, dans tout cela, on l'a entendu tout à l'heure, alors, ouais. Dans son style, hein, qui est le sien, c'est, qu'est-ce que vous me dites là? C'est n'importe quoi. Bon, d'accord. Enfin, derrière tout ça, il y a quoi? Bah, Nicolas Sarkozy, c'est très embêtant pour lui, cette histoire. Judiciairement, j'en sais rien. La Cour de justice de la République a été saisie des cas de M. Balladur et Léotard. Et le nom de Nicolas Sarkozy est également cité, puisque le juge Van Drunbeek dit qu'il doit être placé sous le statut de témoin assisté dans ce dossier. Dans l'appareil d'État et gouvernemental, Nicolas Sarkozy, en tant que ministre du Budget, n'était pas le ministre le plus en pointe sur les contrats d'armement. C'est évidemment M. Balladur à Matignon et ses hommes, M. Léotard, ministre de la Défense, et ses hommes. Mais, comme vous l'avez rappelé, le ministre du Budget a un rôle essentiel dans la signature des contrats. Et on a découvert, documents à la pluie, donc M. Sarkozy peut monter, descendre, dire ce qu'il veut dans ce dossier. Nicolas Sarkozy, contre l'avis de son administration, et de deux directrices de son administration, a signé le versement dérogatoire de commission occulte sur un marché saoudien dont le nom, ça ne s'invente pas, est mouette. Hein, on vole avec les mouettes. Le versement de commissions absolument faramineuses qui sont précisément celles que M. Takieddine a retirées en Suisse, en espèces, et qui sont revenues en France. Et bien, puisque vous parlez de M. Takieddine, on va l'écouter. On rappelle, c'est ce mystérieux homme d'affaires franco-libanais qui aura servi d'intervenir dans la transaction du contrat Agosta. Alors, en termes d'information, ce qu'il dit n'a fait pas tellement avancer les choses, hein, parce que il dément, mais c'est intéressant de l'écouter, lui, et dans le rôle qu'il a tenu. Ni j'ai ouvert un compte pour Balladur, ni j'ai ouvert un compte pour Gobert. Je veux une seule preuve que j'ai été à une banque, que j'ai retiré pour Thierry Gobert une somme quelconque. Arrêtez de jouer le jeu du juge. Il n'a aucune preuve. Il a un dossier vide, aussi vide que sa tête. Bon, voilà. Oui, bon, c'est classique. Hein, oui, moi, j'avais été traité d'animal malade par M. Takieddine. Non, mais ça, c'était à une époque où il démentait l'évolution du dossier judiciaire et puis son passage en prison, je crois, l'a fait un peu réfléchir. Aujourd'hui, il a dit noir sur blanc, sur procès-verbal, l'inverse. Il a reconnu ce que les juges ont pu documenter, le juge Van Drunbeek, grâce à une enquête incroyablement méticuleuse qui a quand même permis de retracer tous les flux financiers. Alors, le juge dont la tête serait vide et dont il parle, c'est beaucoup rempli de documents couverts par le secret bancaire, puisqu'on a découvert, oui, M. Takieddine retirait de l'argent sur des comptes offshore non déclarés, oui, il les ramenait en France, il s'est même fait choper à une période aux douanes, hein, avec de l'argent caché dans une enveloppe dans sa voiture, à la frontière franco-suisse, et oui, bien sûr, que lui-même reconnaît aujourd'hui avoir reversé de l'argent aux hommes aux Balladuriens, et les Balladuriens ne sont jamais que des futurs sarkozistes. Et ça donne encore plus de poids à ce qu'on vient d'entendre. Comment, avant de dire oui, c'est vrai, on dit ben non, c'est pas vrai. Hein. Oui, mais ça, ça fait partie du jeu. Bien sûr, je veux dire que bien sûr. Le démenti, ça fait partie du c'est jeu de la justice. Et d'ailleurs, vous savez, le droit français consacre le droit au mensonge pour les personnes mises en examen. Bon, toute dernière chose, Fabrice Arfi, il reste 30 secondes. Quelles sont les pistes ou la piste à explorer? Désormais, celle de M. Moussalem, enfin, c'est compliqué. Ben, M. Moussalem, il est. Mais c'est la piste la plus intéressante. Le problème, c'est que M. Trévidic, dans le volet terroriste, est parti, a quitté la galerie Saint-Éloi, le pôle antiterroriste de Paris. Et donc, il faut qu'un nouveau juge reprenne tout le dossier. Et ce sont des tomes, vous imaginez le temps que ça va prendre. Mais sur le volet financier, il aurait dû y avoir un procès dans quelques mois, et pour des raisons de procédure, la Cour de cassation a demandé à ce que de nouveaux magistrats se repenchent sur le dossier. Ça va encore prendre des années. Pourvu que ça arrive à destination. En fait. Oui, ça nous concerne tous. Merci infiniment, Fabrice Arfi, pour toutes les précisions que vous nous avez apportées en complément de ce récit. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Karachi, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons le cas Gaston Flosse. Bonjour Elsa Bobine. Bonjour Fabrice. Alors qui recevez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui je reçois l'administrateur général de la Comédie Française, Éric Ruff, puisque c'est la semaine de la langue française et de la francophonie. Oui. Je trouvais que c'était une bonne occasion de le recevoir pour parler bien sûr de ses goûts musicaux classiques. Et quel métier passionnant il fait ce monsieur. Ah oui, absolument. À tout à l'heure. À tout de suite.